Original bombe attaque, yeah. El Matador, yeah. Marseille, laissez-moi rapper ma rage, éclater les barrages, l'esprit en décalage, car j'ai la gouache au dé des démarrages. Fais crier les baffes, te casse les braves, le sable, je gratte les pages, papa, passe le mic. Ici c'est 1 pour la zone, 2 pour la cause, 3 pour la forme, j'dirais 4 et 5 pour la somme. Que tous les bras se lèvent, c'est un hold up, non j'déconne. Dehors, les porcs veulent me voir locked up comme Mekon. C'est le même décor, on a la rue comme école, on est tous des cafards, et à nos cars, chéris aux bégans. Ici c'est béton, bédo, credo, prison, ghetto. Habit négro, ma vie c'est le bitume, l'habitude, l'attitude, l'écriture me stimule. On a le son qui tue, donc l'histoire continue. J'arrive en paix dans ma tête, c'est la vie tempête. Le savoir est une arme, donc ma vérité blesse, alors enquête. Assis-toi dans ta gueule, en boîte dans la caisse. Augmente le volume et les watts, t'inquiète. De gauche à droite, tu bouges la tête, je gère le reste. Fais péter. Que tu sois dans ta gueule, en boîte dans la caisse. Augmente le volume et les watts, t'inquiète. De gauche à droite, tu bouges la tête, je gère le reste. Fais péter. C'est qu'à la tête des réseaux, la justice te bloque ta puce. En alerte orange, face à ces putes, on va pas se laisser faire. On a notre propre langage, du rap hardcore dans le casque. Dans les cages d'escalier, les boîtes aux lettres transforment en bar. On a aussi nos parts de drame, trop de vie qui part. Car chez nous, celui qui conduit et celui qui boit. Sans alcothèse, dès le collège, ça pense à la Rolex. Avant du shit au pion, et c'est la partie d'échec scolaire. J'rappe pour les proches, les potes, les gosses, les hoches, les gommes, les prods, c'est corsé. Charpe pour remplir mes poches comme Corleone pour seul décor le quartier. Mec, j'mène au score, c'est mort. Lyrical braquage, man, on force les coffres. Représente la basse très intensément. C'est avec un mic que en France je dérange. Que tu sois dans ta piole, en boîte dans la caisse. Augmente le volume et les watts, t'inquiète. De gauche à droite, tu bouges la tête, je gère le reste. Fais péter. Que tu sois dans ta piole, en boîte dans la caisse. Augmente le volume et les watts, t'inquiète. De gauche à droite, tu bouges la tête, je gère le reste. Fais péter. Mon album. Juger secret défense par l'état. J'suis l'astéroïde qui se dirige sur la planète rap. MC, seul le public décide si t'es en panne. C'est la mise à la main, on s'est défini à la fourrière. Moi j'fais des tubes sans donner de bons tuyaux. Que des rimes au kilo, ma plume retranscrit le poids des mots. Rap lourd, pour crapule et raclure. Bouge ton boule, c'est le grabuge. Que tu sois dans ta piole, en boîte dans la caisse. Augmente le volume et les watts,